Je tourne à gauche, à la prochaine intersection. Je céderai le passage à droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B.